l'expressivité, il aimait la manière dont la forme préexistait à tout. Et cette approche formelle, simple, pure, on va la retrouver chez des gens comme Brancusi, on va aussi la retrouver chez des gens comme Henry Moore qui admirait beaucoup Maillol. Merci beaucoup Ophélie Ferlibois de nous avoir permis de mieux comprendre aujourd'hui Aristide Maillol. Pour encore mieux le comprendre et admirer son œuvre, on peut évidemment aller au musée d'Orsay jusqu'au 21 août 2022 pour cette exposition dont vous êtes co-commissaire, Aristide Maillol, La quête de l'harmonie. France Culture, l'esprit d'ouverture. Les accusations de viol portées contre le ministre Damien Abad sont le dernier exemple en date de plaintes pour violences sexuelles envers des hommes politiques. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin. S'agit-il d'un des effets de la libération de la parole? Le milieu politique est-il à part dans le traitement de ces affaires? La politique a-t-elle un problème spécifique avec les violences sexuelles? C'est la question que pose le temps du débat. Le temps du débat, aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente la pièce « Les forteresses » de Kürshad Shaiman. Le metteur en scène franco-iranien convie sur scène sa mère et ses deux tantes. Toutes trois sont nées au début des années 1960, au cœur de l'Azerbaïdjan iranien, et ont connu la révolution de 1979, la guerre qui a suivi avec l'Irak, la désillusion, les séparations. Un théâtre mêlant histoire collective et destin individuel, où l'intime et le politique sont inextricablement mêlés. Les forteresses de Kürshad Shaiman, du 3 au 11 juin à l'AMC 93 à Bobigny. Un partenariat France Culture. Et demain, dans Sans oser le demander, nous parlerons de Vauban. Mais tout de suite, c'est le moment de vous retrouver. Nicolas Martin, bonjour à vous. Bonjour Mathieu. Et vous êtes de nouveau en route pour l'espace, j'ai l'impression. Absolument, et on va essayer d'y faire pousser des salades. C'est pas le plus facile. Certainement pas. À demain. À demain. Parmi les obstacles qui restent à l'envoi d'une mission habitée sur Mars ou à l'établissement d'une base pérenne sur la Lune, l'un de ceux qui reste à surmonter est celui de l'alimentation. Et oui, pour une mission martienne qui durerait au bas mot un an et demi, voire trois, il est quasi inenvisageable d'envoyer l'intégralité de la nourriture préparée en amont pour faire vivre les astronautes le temps de leur mission. Il faut donc penser à leur permettre de faire pousser leur propre nourriture. Or, faire pousser des plantes en apesanteur dans des milieux hostiles, sur des terres quasi stériles et bombardées de rayons cosmique, eh bien ça n'est pas la moindre des paires de manches. Des salades dans l'espace, c'est le programme spatio-agricole qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Comment faire un potager de l'espace? Quelles sont les contraintes et quels résultats peut-on espérer? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Mustin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert thématique au CNES en sciences de l'univers, exploration, spécialiste en exobiologie, exoplanète et protection planétaire. Et Alexis Payet, bonjour. Bonjour. Vous êtes thématicien de technologie pour l'exploration, chef de projet Spaceship au CNES. Mais on commence par celui qui n'a pas son pareil pour planter des navets. Absolument. C'est Antoine Beauchamp pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal, Antoine, avec une étude parue dans Nature Astronomy. On en sait désormais plus sur la grande perte d'éclat de l'étoile Bételgeuse. Oui, survenue en 2019, cette grande perte d'éclat de la supergéante rouge située dans la constellation d'Orion avait provoqué la surprise chez les astrophysiciens et plusieurs hypothèses avaient été avancées. Parmi ces hypothèses, celle du refroidissement total ou partiel de l'étoile ou encore celle de la formation de poussière cachant l'étoile restaient les plus plausibles. L'an passé, une étude française parue dans la revue Nature allait dans le sens de cette formation. formation de poussière grâce aux observations du Very Large Telescope au Chili. C'est désormais confirmé grâce à cette toute nouvelle étude conduite par des chercheurs japonais qui ont eu la bonne idée d'avoir recours au relevé d'un satellite météo pour analyser Betelgeuse. Miguel Montargès est astrophysicien au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique à l'Observatoire de Paris. Il était responsable de l'étude parue dans Nature l'an passé et il se réjouit de ces nouveaux résultats. Donc ils ont utilisé un satellite météo qui regarde notre planète, la Terre, et plus particulièrement la région pacifique autour du Japon. Et il se trouve que Bételgeuse a le bon goût d'être proche de ce qu'on appelle l'équateur céleste, c'est-à-dire la projection sur le ciel de l'équateur de la Terre, ce qui fait que tous les un jour et demi, elle est dans le champ du satellite, elle est sur ce qu'on appelle le limbe de la Terre, donc au bord du disque de la Terre. Et donc c'est là que ça devient exceptionnel, c'est que ça leur a permis d'avoir les meilleures observations en termes de cadence d'observation de Bételgeuse pendant la grande perte d'éclat. Et cerise sur le gâteau, ils ont 16 filtres différents qui partent du visible, donc à peu près de la couleur verte, qui va jusqu'au rouge, l'infrarouge proche et jusqu'à l'infrarouge moyen à environ 10 microns. Alors évidemment, ils voient la perte d'éclat en visible, comme nous on a pu le voir avec nos propres yeux. Ils voient ce que j'avais aussi écrit dans mon article il y a un an, qu'en infrarouge proche, donc 1 ou 2 microns, il y a très peu de variations de luminosité, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu changement de taille de l'étoile. Par contre, ils voient qu'en infrarouge moyen, donc autour des 10 microns, il y a une augmentation de la luminosité quand elle est au plus faible en lumière visible. Et donc, ça corrobore ce que j'avais sorti dans mon papier Nature l'an dernier, c'est qu'effectivement, il y a eu de la formation de la poussière devant l'étoile. Pourquoi ? Parce que 10 microns, c'est la longueur d'onde où va rayonner la poussière en raison de sa température. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi c'est arrivé ? Ou exactement comment la poussière a pu se former ? Pourquoi ce nuage de gaz dans lequel s'est formée la poussière est arrivé là où il était devant l'étoile, puisqu'il a été éjecté par l'étoile ? Donc on ne connaît pas les mécanismes physiques à l'origine de ça. Et ensuite, il y a une autre question qui est assez troublante, c'est pourquoi on ne voit ça sur Bételgeuse que maintenant ? On l'observe en continu depuis quasiment 200 ans, cette étoile. Jamais nous n'avions vu une baisse d'éclat aussi importante. Et là, on parle de Bételgeuse, c'est une super géante rouge parmi d'autres. On n'a pas observé le même genre de phénomène sur d'autres étoiles. Parce que même si c'est rare dans la vie d'une super géante rouge, vu qu'il y en a plein le ciel, bah, statistiquement, on devrait le voir aussi ailleurs. Donc tout ça pose la question du mécanisme physique qui est à l'origine du phénomène et de la fréquence à laquelle il arrive. Et donc, bah, il faut qu'on continue à observer des super géantes rouges pour comprendre comment peuvent se former ces fameuses poussières d'étoiles qui sont aussi les particules qui nous composent. Voilà, et pour tout savoir sur Bételgeuse, on vous a reposté non seulement l'émission que nous y avions consacrée, et puis évidemment le lien vers l'étude de Nature Astronomie sur notre fil Twitter @lamethodefc, et tout ça sera également publié sur la page Facebook de sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon une enquête parue dans JAMA Network Open, la fin de la surconsommation d'antibiotiques n'est pas pour demain. Oui, et cette enquête a confronté 551 cliniciens nord-américains à des scénarios de soins. L'un de ces scénarios mettait en scène un patient de 65 ans atteint de bactériurie asymptomatique, une pathologie caractérisée par la présence d'un grand nombre de bactéries dans les urines. Si les directives sanitaires américaines stipulent qu'en l'absence de facteurs de risque spécifiques, un patient dans cette situation ne devrait pas recevoir d'antibiotiques, l'enquête révèle, elle, que 71% des cliniciens participant au questionnaire prescriraient des antibiotiques dans ce type de situation. Alors que l'antibiorésistance cause chaque année plus d'un million de décès, la route s'annonce donc encore longue pour la réduction de la prescription d'antibiotiques. En bref, toujours, des passages viennent d'être découverts dans un temple péruvien vieux de 3000 ans. Il s'agit du temple Chabin des Huantar situé dans les Andes. Au moins 35 passages souterrains reliés entre eux ont été découverts par les archéologues. Ces passages dateraient d'avant la construction des galeries labyrinthiques déjà connues pour ce temple. Effet surprenant, tous ces passages sont reliés entre eux et présentent des formes de construction encore jamais vues. Les archéologues ont également découvert un bol cérémoniel sculpté et une statue de condor. Ce site aurait donc clairement servi de lieu de culte. Et pour finir, l'ajout d'un pigment de tomate au panneau solaire augmenterait leur efficacité. Oui, c'est ce que montre une étude parue dans Advanced Energy Materials. Cette substance qui donne aux tomates leur couleur rouge s'appelle le lycopène. Quand la peau humaine est exposée aux UV, le lycopène alimentaire se lie aux radicaux libres produits par les rayons ultraviolets pour protéger les tissus cutanés des dommages. Selon l'équipe chinoise responsable de l'étude, l'intégration de ce pigment aux cellules pérovskites des panneaux solaires augmente de 3 à 4 points de pourcentage absolu le rendement de conversion de ces cellules de panneaux solaires. Merci beaucoup Antoine, vous restez avec nous puisque eh bien c'est vous qui avez réalisé le reportage du jour que l'on entendra dans quelques minutes. Et puis à propos du sujet du jour, des plantes qui poussent sur la Lune, plantées dans le sol lunaire, est-ce que ce serait un fantasme? Eh bien de moins en moins depuis cette publication du 12 mai dernier dans la revue Communications Biology, des scientifiques de l'université de Floride ont réussi à faire pousser une plante dans 12 grammes de sol lunaire, ou plusieurs plantes plus précisément, et c'est sans conteste un signal encourageant à l'heure où plusieurs nations spatiales envisagent de retourner et de s'implanter sur notre satellite. Mais il faut bien reconnaître que faire son petit jardin spatial représente un certain nombre de défis, qu'il s'agisse d'agriculture en impesanteur, comme dans la Station Spatiale Internationale, ou de l'idée de monter une serre sur la Lune ou sur Mars. Les premiers succès encourageants remontent à quelques années, notamment quand les occupants de l'ISS ont pu déguster leur propre production potagère. Nous sommes en 2015 et c'est notre archive du jour. Première bouchée de salade spatiale pour les astronautes, une laitue romaine rouge, semée début juillet. Arrivée sous forme de graines, la salade a ensuite été placée dans cet incubateur sous une lumière artificielle. Ces laitues font partie du projet VEC-01, lancé il y a un an, pour étudier la manière dont poussent les aliments dans l'espace. La NASA espère ainsi améliorer l'autonomie des astronautes. Si nous allons un jour sur Mars, et nous irons, à ce moment-là, nous aurons besoin d'un vaisseau beaucoup plus autosuffisant en termes de nourriture. Faire pousser sa salade est donc un premier pas. Une partie des feuilles de laitue sera renvoyée sur Terre pour analyser notamment comment elles ont pu pousser. Voilà l'extrait du journal de France Info. La voix de l'astronome que vous venez d'entendre, c'est celle de Scott Kelly, que nous avions d'ailleurs la chance de recevoir à ce micro. Une réaction, l'un et l'autre, bien sûr, cette nouvelle qui a déjà 7 ans, mais qui était finalement un premier pas assez symbolique, justement, dans bien ce long chemin qui nous sépare encore de la possibilité de développer une véritable agriculture spatiale. Christian Mustin. Oui, alors c'est très intéressant d'entendre ce reportage concernant une laitue dégustée par des astronautes sur la Station Spatiale Internationale. Ce n'est pas le premier passage des plantes dans l'espace. Elles ont été un petit peu, même les pionnières, puisqu'on les a fait, on a fait voler très tôt des graines sous ballon dans les années 50, pour regarder, pour les emmener à 30 ou 40 kilomètres d'altitude, donc à la limite, dans notre stratosphère, pour regarder ce qui se passait par rapport aux plantes. Et si les graines, une fois revenues sur Terre, donnaient des plantes harmonieuses, avec un développement harmonieux. Donc, elles ont été très tôt dans l'aventure spatiale, et même dans les années où on n'était pas encore sur l'ISS, on était sur Skylab, et donc la station spatiale américaine, et Salyut, sa version russe, il y avait effectivement des expériences qui étaient menées sur des plantes. Les manips, les fameuses manips. Oui, les manips, voilà. Tout à fait. Alexis Baillet, ouais. une réaction peut-être à cette archive 2015. Alors évidemment, c'est pour le moment très symbolique, mais néanmoins, c'est tout de même effectivement un signe encourageant, puisque on s'est rendu compte finalement assez rapidement que faire pousser des plantes dans l'espace, il n'y avait pas de contre-indication majeure. En tout cas, on va voir que ça n'est évidemment pas si simple et qu'il y a des réserves à apporter, mais que, grosso modo, les plantes poussent relativement bien dans l'espace, quoi. En effet, on s'aperçoit que les plantes poussent relativement bien dans l'espace. Après, il y a, dans le reportage, c'est vrai qu'il y a une donnée qui est clé, c'est augmenter l'autonomie de l'équipage. Donc, c'est arriver à produire, je dirais, plus pour limiter les cargos ravitailleurs entre la Terre et la station internationale et autres plus tard. Mais c'était déjà une belle preuve technologique en 2015 de pouvoir cultiver des graines, donc notamment ces laitues. Après, il y a eu d'autres expériences qui ont été menées. Il y a eu notamment des expériences avec des poivrons. Ils ont réussi à diversifier un petit peu aussi leur apport nutritif. Mais c'est les premières briques et c'est vraiment hyper important lorsqu'on fera notamment des voyages entre la Terre et d'autres planètes. Après, il y a une autre particularité dans l'ISS, c'est qu'on est en microgravité, c'est-à-dire que je dirais on est en chute permanente, et on s'aperçoit que l'eau, elle se fiche de, elle est, elle est, elle est, elle est un petit peu différente que sur la Terre au niveau des plantes. Donc il y a beaucoup d'études qui sont menées sur la transpiration des plantes, comment on apporte les nutriments aux plantes au niveau des racines dans ce milieu qui est un petit peu différent de celui sur Terre avec la microgravité. Alors, on va revenir à ces différentes formes d'agriculture spatiale, à ce type d'agriculture qui pourra évidemment, comme vous le mentionniez, concerner un futur voyage au long cours vers Mars, puisque les voyages vers Mars prennent à minima 6 mois, donc évidemment, on va se poser la question de pouvoir cultiver une partie de sa propre nourriture. Et puis, on verra plus tard comment imaginer ensuite d'implanter véritablement des serres ou sur la Lune ou sur Mars. Ce sera un peu le fil conducteur de notre émission. Ce qui est intéressant, malgré tout, Christian Mustin, c'est que si on a essayé très vite, effectivement, de faire monter, comme vous le mentionniez, des graines ou des plantes dans l'espace, la question de la nourriture spatiale est une question relativement récente, parce que pendant très longtemps, finalement, on se souciait assez peu de ce qu'on donnait à manger aux astronautes, puisqu'ils partaient toutes et tous pour des missions relativement courtes. Oui, ce qu'a mentionné Alexis Payet, c'est effectivement vrai. C'est-à-dire qu'au départ, on donnait tous les nutriments nécessaires, toutes les réserves et tout le stock nécessaire d'alimentation pour les astronautes sur des périodes très courtes. Hein, les voyages spatiaux étaient relativement courts et en proximité de la Terre. Donc on n'a pas poussé, le concept d'alimentation jusqu'à avoir des alimentations sur des longues durées et avec une certaine durabilité, une certaine pérennité, c'est-à-dire d'assurer aussi un maintien de la qualité et éventuellement d'une certaine diversité. Donc au départ, la diversité était très limitée. Hein. On avait juste ce qu'il fallait pour, donner les calories nécessaires aux activités des spationautes. Et puis, très rapidement, maintenant, on pense à aller beaucoup plus loin et donc à fournir une nourriture à la fois durable et variée. Donc c'est pour ça aussi que différentes plantes sont testées aussi en apesanteur. Alors on va voir justement quel type de plantes poussent plus ou moins bien. Peut-être un mot pour que les choses soient très très claires tout de suite, Alexis Payet. Aujourd'hui, les astronautes, les cosmonautes et tous les gens qui se rendent dans la Station Spatiale Internationale ne consomment pas de production locale ou alors de manière vraiment expérimentale et très ponctuelle. Pour le moment, on fait monter toute la nourriture par cargo régulièrement. En effet, on fait monter toute la nourriture par cargo, donc c'est scellé dans des boîtes de conserve. Elles sont directement montées là-haut, consommées par les astronautes. Il y a des menus un petit peu d'exception lorsqu'il y a des rotations d'équipage. Donc il y a une contribution notamment française là-dessus sur cette partie-là. Donc c'est des dégustations un petit peu particulières. Et après, le quotidien, c'est un petit peu quand vous partez en randonnée, hein, vous avez des grandes randonnées. C'est-à-dire que vous avez vos rations, vous mettez de l'eau, vous mélangez tout ça, et puis après, c'est un petit peu comme les pommes potes, là, vous les consommez avec directement la pipette, et puis vous le mangez. Donc c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Après, si on revient un petit peu sur l'historique des vols habités, au début c'était des vols habités qui étaient vraiment courts. C'est, par exemple, quand on allait dans la navette, c'était une dizaine de jours. Donc on pouvait se permettre d'avoir faire presque multiplier par deux les denrées alimentaires. Et maintenant, dans l'ISS, comme on y est grosso modo pour 6 mois, on peut pas se permettre de doubler ces rationnements. Donc c'est vrai que cette notion est maintenant importante, d'avoir de l'autonomie dans l'espace pour produire entre guillemets local. Mais aujourd'hui, on produit pas local dans l'ISS. On regarde comment ça se passe. Et prochainement, avec le Centre National d'Études Spatiales, on est en train de monter une future mousse au chocolat pour qu'elle puisse être réalisée dans l'espace. Pour qu'elle puisse être cuisinée directement dans l'espace. Vous allez nous en dire un mot, on va s'interroger effectivement sur la notion d'agriculture spatiale, puisque c'est vraiment et très sincèrement l'un des enjeux clés à de futures missions au long cours, et notamment de missions vers Mars. Comment faire, ou de bases pérennes sur la Lune, comment faire pour faire pousser des végétaux, pour faire pousser la propre nourriture des colons ou des personnes qui seront dans ces bases. Vous allez voir que c'est un défi encore loin d'être relevé. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons d'agriculture spatiale en compagnie de Christian Mustin et d'Alexis Payet. Peut-être aussi quelque chose d'important qu'il faut préciser, Christian Mustin, c'est que avec l'ISS, ou en tout cas avec les stations spatiales, et puisque ça remonte évidemment aux stations spatiales précédentes et notamment à Mir, c'est-à-dire avec des séjours longs dans l'espace pour des astronautes ou des cosmonautes, on s'est rendu compte de l'importance que revêt la nourriture quand on est enfermé dans des espaces bien restreints, reclus, avec peu, pas possible. Ou très peu de possibilités d'aller ailleurs ou dans des conditions évidemment très particulières. L'agriculture spatiale prend sa part aussi là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a évidemment l'aspect concret de produire de la nourriture au lieu de l'emmener, ce qui va changer beaucoup de choses, et notamment en termes de poids d'emport. Mais c'est aussi quelque chose qui participe de la qualité de vie des futurs astronautes ou cosmonautes. Oui, tout à fait. Ce sont des hommes, hein, comme nous. Voilà. Donc, et des femmes, par ailleurs. Et des femmes, voilà, bien entendu. Je mettais un homme avec un H majuscule, s'il vous plaît. Voilà. Donc, des hommes et des femmes qui sont effectivement, attachés comme nous à ces moments de, j'irais, de repos et de plaisir que sont aussi des moments où on peut manger, se restaurer. Si on le voit d'un point de vue purement physique et j'irais physiologique, effectivement, ça va être fournir les calories. Donc, on est dans une vision très inhumaine de la nourriture. En revanche, apporter un peu de plaisir, apporter des saveurs, des odeurs, etc., ça fait partie sur les longues durées du fait de ne pas se sentir seul, d'être dans un environnement qu'on connaît, hein, un peu comme chez soi, je veux dire d'avoir des odeurs. La station spatiale n'est pas réputée pour être particulièrement d'un parfum fleuri. Mais ça sent pas très bon à l'intérieur. On pourrait imaginer sur les longues durées, voilà, cette nécessité d'avoir un besoin au travers du goût et au travers du nez, surtout des organes olfactifs, d'avoir ce plaisir aussi de déguster. Mmh. Donc, comme le mentionnait Alexis, c'est dégustation à la française, un petit peu, voilà, qu'on aime tant. Oui, et puis surtout, rajouter des produits frais à l'alimentation, puisque la plupart de ce que mangent aujourd'hui les astronautes, il faut bien comprendre que, c'est de la nourriture qui a été préparée, emballée très longtemps, parfois plusieurs mois, avant d'être expédiée, avant d'être consommée. Donc, c'est de la nourriture, bien forcément, qui n'est pas de la dernière, de la plus grande des fraîcheurs, Alexis Payet. Alors, en effet, c'est de la nourriture qui n'est pas de la plus grande des fraîcheurs. Bon, elle est quand même fraîche, elle est quand même bonne, hein, à manger. Elle a été souvent préparée des mois à l'avance. Par contre, il y a un petit détail, c'est généralement les astronautes, quand il y a un cargo qui arrive, ils sont hyper impatients, je dirais, de voir ce cargo arriver. Et ils se mettent... je dirais assez proche de l'ouverture, parce que une des choses qu'ils veulent voir, c'est l'air qui va arriver par ce cargo, qui est de l'air terrestre, qui est justement de l'air qui leur rappelle un petit peu l'endroit où ils étaient. Et en plus, alors il y a des fruits frais quand même qui sont apportés dans la station à chaque rotation. Donc en effet, on a des rationnements, mais des pommes par exemple, elles sont mises au dernier moment et ça fait partie des premiers produits qu'ils consomment quand ils sont là-haut. Ensuite, par rapport à ce que disait à juste titre Christian, la nourriture, c'est pour nous, je dirais, humain, une notion de partage. On se recueille autour de ces différents plats pour partager des émotions. C'est dans la station internationale, en fin de compte, ce qui se passe, c'est ils font leur repas en même temps. Ils ont des activités diverses et variées dans cette station, mais par contre, le repas, c'est quelque chose qui est, je dirais pas sacré, mais en tout cas qui est privilégié. Et ils essayent de passer le maximum de temps ensemble pour justement créer cette communauté, parce qu'ils vivent pendant 6 mois, je dirais, confinés. Bon, la plupart d'entre nous l'ont vécu, mais là, c'est pas pareil. On est loin de sa famille, on n'arrive pas à dialoguer avec eux. Et justement, cette notion de partage est hyper importante. Oui, évidemment, très, très importante socialement. Et ça le sera évidemment d'autant plus pour les éventuelles futures missions martiennes qui vont durer au bas mot entre 1 an et demi et 3 ans. Alors, si on se réfère à ce qui se passe aujourd'hui, Christian Mustin, quelle agriculture y a-t-il ? Alors, elle est expérimentale, mais qu'est-ce qu'on a testé ? Comment est-ce qu'on fait pousser des plantes aujourd'hui dans les stations spatiales ? Est-ce que on amène de la terre ? Est-ce que c'est de l'hydroponie ? Comment, puisque on sait qu'il y a un problème de cycle de jour-nuit, hein, puisque la station spatiale fait, je crois, 16 fois le tour de la Terre par journée humaine, enfin par journée terrestre, pardon. Comment ça se passe en fait ? Comment on fait pousser des plantes dans ces stations spatiales ? Alors, c'est pas mon domaine de compétence, hein. Voilà, Alexis pourra compléter. Mais c'est sûr que dans la station spatiale, on principalement on utilise des cultures hydroponiques. On va utiliser des plantes qui poussent avec les racines dans l'eau, entre guillemets. Bien entendu, avec des conditions très particulières, qu'a mentionné déjà Alexis, d'apesanteur, effectivement, de lumière artificielle. Donc tout ceci, c'est un système technologique. Hein, en fait, c'est une technique qui se rapproche de ce qu'on connaît sur Terre dans des serres ou dans ce qu'on appelle aussi au niveau des laboratoires des phytotrons. Hein, donc des conditions de culture qui peuvent être maîtrisées, qu'on peut d'ailleurs accélérer. On peut accélérer la croissance des plantes hein, puisqu'on n'est pas obligé de respecter les cycles jour-nuit terrestres. Hein, dans la plupart des phytotrons, on est plutôt aux alentours de 4 à 5 heures de nuit hein, pour le reste exposé en jour terrestre, donc le reste à peu près 18 heures de lumière. Donc on peut avoir ce type de cycle. Bien entendu, c'est un système type réacteur entre guillemets. Hein, c'est une enceinte contrôlée en termes d'humidité, de température et d'éclairement. Donc on est sur des cultures qui sont parfaitement, je dirais. Auto-régulé entre guillemets avec des systèmes annexes. On s'est rendu compte notamment Alexis Payet, c'était plutôt une bonne surprise que l'impesanteur, c'est-à-dire la microgravité, n'était finalement pas un obstacle. Alors ça peut l'être un petit peu et je crois qu'il faut surveiller un peu plus parce que l'eau se forme en gouttelettes qui peuvent s'accrocher aux racines et éventuellement faire un peu moisir ou pourrir les racines. Mais dans l'ensemble, les cycles des sels minéraux, de l'eau, etc. fonctionnent relativement bien, même en la quasi-absence de gravité. Tout à fait. Enfin, tout ce qui est apport nutritif, ça fonctionne très bien. On avait parlé, la notion d'eau, elle colle en fin de compte. On a plutôt l'impression, par exemple, si vous aviez si vous étiez en apesanteur, s'il y avait de l'eau, vous auriez plutôt l'impression de vous noyer. Donc, il y a des résidus qui restent, qu'il faut essayer d'éliminer. Ensuite, pour le système de culture de plantes sur l'ISS, des fois, moi, je le compare un peu à une cave à vin. C'est-à-dire que c'est un environnement super contrôlé. Vous avez des clayettes sur lesquelles il y a vos godets avec vos plantes. Et ensuite, il faut régler la lumière. Donc, avec un cycle qui va bien pour chacune des plantes, pour qu'elles soient le plus productives. Vous fermez la porte, ça limite, ça peut presque se faire de manière automatique. Hein. Vous avez presque, même pour stimuler la plante, on essaye d'apporter du CO2 pour que justement elle ait un rendement qui soit optimum. Mais sinon, non, ça pousse plutôt bien et toutes nos bases que l'on connaît sur Terre sont applicables là-haut. Hormis ce petit côté eau qui colle un peu quoi. Oui. Et puis ce qui est intéressant évidemment et ça c'est quelque chose que l'on va retrouver dans toutes nos discussions que ce soit pour ces cultures en impesanteur ou pour que ce soit la possibilité d'essayer de faire pousser des plantes dans le sol lunaire ou le sol martien, l'idée est évidemment d'être toujours à l'économie au maximum et dans le recyclage le plus possible. Donc ça veut dire que l'on peut utiliser par exemple le CO2 qui est expiré par les habitants de la station spatiale pour le réinjecter dans les plantes, qu'on peut réutiliser l'eau filtrée, des eaux grises, voire des eaux noires ou des bouts d'épuration, des déchets classiques organiques pour fertiliser ces plantes ou comment ça se passe, Alexis Payet? Alors en effet, on peut donc il y a différentes études qui sont menées en parallèle, réutiliser le CO2 que l'on extrait nous de manière naturelle, mais qui est utile pour les plantes, ça fait partie des voies pour purifier l'air même. Oui. Ensuite, tout à l'heure vous parliez des eaux, bon, on les a caractérisées par trois types d'eau. Il y a les eaux justement grises, jaunes et noires, donc pour caractériser un peu les couleurs de sortie. Donc ça et via par exemple les eaux jaunes, on est capable de les traiter pour justement en tirer des engrais, des phosphates qui sont nécessaires pour la pousse de la plante. Via l'intermédiaire de ces eaux noires, c'est pareil, on tire des engrais pour les besoins nutritifs de la plante. Donc en fin de compte, on a tout le cycle de vie du carbone qui est respecté et qui existe sur Terre. On a la production, Ensuite, la plante, elle meurt et elle se régénère dans la terre et elle repousse après. Donc, on arrive à recréer ce phénomène qui caractérise un peu aussi la vie que l'on a sur Terre. Alors, il y a évidemment plusieurs entreprises qui cherchent aujourd'hui à développer des systèmes extrêmement efficaces et autonomes pour faire de l'agriculture spatiale. Rebonjour Antoine. Rebonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes donc intéressé à l'un de ces systèmes et vous nous avez même ramené des carottes. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Je me suis en tout cas entretenu avec Paul Hector Oliver, qui est président fondateur de la société Orius, qui développe ce qu'ils appellent une Biome Box, en particulier en partenariat avec le CNES. La Biome Box, c'est une sorte de frigidaire en inox dans lequel tout l'environnement est contrôlé. L'idée de cette Biome Box est non seulement de pouvoir cultiver des plantes dans un espace hors sol et clos, en maîtrisant tous les paramètres, mais aussi de parvenir à augmenter les valeurs nutritives des légumes qui seront cultivés dans ce module, avec en perspective bien sûr la possibilité non seulement d'offrir ces services d'abord sur Terre à des secteurs comme les cosmétiques ou l'industrie pharmaceutique, mais aussi dans un horizon peut-être plus lointain, aux missions spatiales dans le cadre de missions habitées au long cours. Le point de départ déjà, c'est que nous, on est des spécialistes de l'agriculture indoor, on est des techniciens, des ingénieurs. On travaille depuis le début de l'agriculture indoor, depuis une dizaine d'années, et on a vu donc un peu émerger les différentes technologies et les différents marchés. Et on s'est rendu compte que la plupart des marchés étaient concentrés aux productions de végétaux simples, qui étaient les salades, les herbes aromatiques, quelques fruits et légumes simples. Et en fait, on s'est dit, il y a quelque chose de beaucoup plus intéressant à faire avec la technologie pour la production de plantes. Un, beaucoup plus complexe, mais deux, qui ont aussi des intérêts autres que l'alimentation. Donc l'idée, ça a été de se dire, ok, on va développer des standards de technologie qui vont nous permettre d'amener dans une nouvelle dimension ces technologies de l'agriculture indoor pour des usages qui vont être totalement nouveaux aussi. Et donc, je commence par les usages, après je parlerai de la techno, mais sur les usages à qui on s'adresse aujourd'hui, l'outil a un tel niveau de performance et de précision qu'on va permettre, ça va nous permettre d'agir sur le végétal pour aller favoriser l'expression de certaines molécules, de certaines protéines et de certains principes actifs. Et donc, en fait, on conçoit des équipements qui sont un peu comme ce qu'on fait avec en microbiologie des bioréacteurs, mais on l'utilise pour les organismes complexes. C'est-à-dire qu'en fait, on a un outil qui est autonome, programmable, qui est à l'intérieur de cet outil, on vient intégrer l'ensemble de notre technologie, donc à l'intérieur de la Biome Box, et on peut contrôler tous les échanges. Donc on va contrôler les injections de CO2, les injections de nutriments, le contrôle de la température à 0,2 degrés près, la lumière, on a 8 canaux disponibles de couleurs, mais aussi l'intensité lumineuse jusqu'à des valeurs qui sont très grandes, mais aussi et surtout la programmation. C'est-à-dire d'avoir la capacité non pas de reproduire un climat qu'on a sur Terre, ça entre guillemets, c'est assez facile, on a des serres de tomates partout dans le monde, on a des bananes qui poussent en Islande grâce à la géothermie et les serres. Non, l'idée c'est bien d'avoir des mécanismes d'action sur le végétal et donc de venir programmer l'environnement, de faire des journées par exemple de 30 heures, de pouvoir faire un lever et un coucher de soleil, de pouvoir reproduire un climat de montagne, de pouvoir de sortir un peu des paradigmes des climats terrestres, mais bien de comprendre ce qui se passe dans la cellule, dans la plante, d'aller agir sur ces mécanismes uniquement avec l'environnement. Donc il y a une grande configurabilité, si je puis dire, de cette Biome Box, d'un point de vue très concret. À quoi ça ressemble? Comment ça se présente? D'un point de vue très concret, c'est un gros frigo qui fait un peu plus de 500 kilos, qui est entièrement en inox et qui, de l'extérieur, ressemble à un frigo vitré avec des étages. À l'intérieur, ça change beaucoup parce que si on produit des plantes à feuilles, donc le chou notamment qu'on utilise beaucoup dans l'alimentation spatiale, qui est une plante très intéressante, ou si on fait des tomates, vous imaginez bien que c'est pas les mêmes hauteurs. Donc on a des systèmes qui à l'intérieur sont un peu différents. Mais ouais, ça ressemble à un gros frigo. Nous, l'idée, c'est de pouvoir le brancher un peu n'importe où dans un environnement protégé et d'avoir un niveau d'exigence en termes de GMP et de biosécurité qui soit très élevé. Donc on est 100% inox alimentaire, tout ce qui est en contact avec la plante à un point de vue industriel, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous alliez pas seulement développer une boîte dans laquelle on peut faire pousser des végétaux, mais qu'il y avait aussi tout un intérêt à booster d'une certaine façon cette production-là. Du coup, est-ce que ça signifie que les légumes qui vont être produits dans une Biome Box auront, par exemple, une valeur nutritive accrue, un apport en vitamines supérieures pour éventuellement des astronautes? C'est exactement ça. Le rêve du CNES, notamment d'Alexis Payet, c'est d'avoir une pomme dans laquelle on croque dedans et à la fin de la pomme, on a tous les besoins nutritionnels et énergétiques pour la journée. Alors, ce sera un petit peu plus complexe que ça. Mais oui, à travers la Biombox, qui est un petit outil, on va pouvoir spécialiser un environnement pour un type de plante et pour un usage. Et donc, on va créer un environnement dédié à la production de choux, un environnement dédié à la production de tomates. Et on va venir à l'intérieur optimiser la productivité, bien entendu, mais aussi l'expression de certaines molécules. Là, on est en train de travailler, par exemple, je reparle du chou, hein, parce que c'est la plante phare de nos études, très intéressante, mais en fait, on est en train de rééquilibrer la quantité et le rapport entre la vitamine C et la vitamine A, parce qu'en fait, on se rend compte que d'un point de vue physiologie humaine, on a trop de vitamine A et pas assez de vitamine C, donc entre guillemets, si on veut en consommer beaucoup, on va avoir un surplus de vitamine A et pas assez de vitamine C. Donc là, on modifie l'environnement pour rééquilibrer ces vitamines et en faire quelque chose qui vont être adaptés à la physiologie humaine. Là, on parle d'expériences qui sont réalisées sur Terre. Quels sont les prochains obstacles à franchir pour envisager l'envoi d'une Biombox dans l'espace, voire sur une base lunaire? Là, on parle d'horizons assez lointains, mais c'est des choses, j'imagine, que vous avez en tête. Tout à fait. Alors, en tête, oui et non. C'est-à-dire que on est beaucoup dépendant du jeu entre les différentes agences et de savoir à quelle technologie va partir ou pas. Nous, aujourd'hui, on s'est concentré plutôt sur le développement d'un outil sur Terre qui est suffisamment polyvalent et performant pour avoir la flexibilité de faire ce qu'on veut, et de choisir les types de plantes, de choisir les variétés de plantes avec qui on travaille, avec l'Université de Paris-Orsay, Saclay, avec l'Institut Polytechnique et d'Ingénieurs de Toulouse, et aussi le marché au gros de Toulouse. On est en train de sélectionner des variétés, et donc de développer des recettes adaptées pour justement remplir les enjeux de l'alimentation spatiale. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, développons sur Terre les enjeux, et on permettra de reproduire là-haut, l'environnement qui sera nécessaire. Donc, ce dont on va avoir besoin, c'est de repenser notre modèle pour le spatialiser. On n'enverra pas une boîte en inox de 500 kilos sur la Lune. Ça va être compliqué d'un point de vue mettre dans la fusée, d'un point de vue poids. Donc, voilà, l'idée, ça va être de réfléchir à la partie enveloppe pour permettre la spatialisation. Mais le concept, de toute façon, ce sera à peu près le même. Voilà l'une des multiples options pour tâcher de développer et d'optimiser une agriculture spatiale. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Alexis Payet? Ce qui est proposé par la société Aureus, en effet, ça, c'est tout à fait dans la lignée de ce que l'on veut mettre en place dans le projet et aussi au niveau de l'exploration et des vols habités. C'est-à-dire que on travaille avec des experts qui sont pas du milieu du spatial, parce qu'en fait, compte, on sait très bien que nous ce que l'on sait faire, c'est monter dans l'espace les différentes technologies et on s'appuie sur des experts comme Aureus ou autres sociétés, hein, qui sont vraiment des leaders dans leur domaine. Et après, on regarde si ça fonctionne, on essaye de voir si on a la recette, si on a le bon niveau de maturité technologique qui va bien avec eux. Et dès qu'on aura ces premières briques technologiques, on miniaturisera, on fera ces différents équipements pour avoir un outil qui soit le plus performant possible dans l'espace. Christian Mustin. Oui, alors c'est vrai que l'espace, ces frigos un petit peu, ces enceintes de culture pour plantes, hein, je veux dire automatisées, comme ça a été indiqué, régulées, c'est quelque chose de très très important et qui a aussi en dehors de l'espace des débouchés au niveau terrestre, hein, sur des productions de produits particuliers ou de molécules particulières au niveau terrestre, en contrôlant la croissance et je dirais le métabolisme un petit peu de la plante, ce qui a été mentionné par la personne qui a été interviewée. Donc je dirais aujourd'hui on est très clairement dans cette partie, je dirais, technologique, hein, de comme on dit outbox, indoor, hein, je veux dire la culture en bois en intérieur, en placard entre guillemets, ouais, intérieur, et puis qui est complètement différente de la culture outdoor, hein, qu'on a l'habitude de pratiquer sur Terre, hein, qui est effectivement la culture d'extérieur, l'agriculture telle qu'on l'entend avec le travail du sol, voilà. Donc c'est vrai que ces deux modèles, on pourra en reparler, mais qui pourront peut-être question spatiale. On va continuer à discuter des différentes options de cette agriculture spatiale. Pour le moment, eh bien, on parle de cultiver des plantes dans effectivement ces petites serres, ces micro-serres que l'on peut bien introduire dans une navette ou un vaisseau spatial. L'idée étant que bien si on souhaite s'implanter durablement, qu'il s'agisse de s'implanter durablement dans une base lunaire ou d'envoyer une mission avec des astronautes qui vont devoir passer bien un certain nombre de mois sur Mars, il va falloir penser à utiliser les ressources locales. Comment planter des pommes de terre sur la Lune? Réponse dans quelques secondes musicales. Did you plant her cap? Yeah. Did you plant her cap? Yeah. What did you plant her cap? Yes. Did she bear fruit? Nah, it wasn't in the season. Swang a F with this bulb, focus first, I call a petunia. Nice long stems, and of course the big bazookas. Playing the field, I noticed all the bulbs were loose, so I decided to snatch one up, thus begin my roots. I changed my mind and used the only pesticide, the Magnum latex rubbers with nonoxidal knot. That way no AIDS could enter in. No flowers grow inside, cause when you fertilize the flowers, you can kiss your loot goodbye. I beg your pardon, I can't be bothered. Right now I'm blazing the weeds in my garden. My name ain't Power Smith, but she called me the master. Destroy that ass so you can say I disaster. I couldn't have gotten the plate on any other day, because she thought she looked too glorious and marvelous. But after I got off the stage, we did things the United way, cause thanks to me, she planted all of us. So did you plant her vent? Yes. Did you plant her vent? Yes. Did you plant her vent? Why, yes. Well, did she bear fruit? No, it wasn't in the season. As I gaze across my crops, collect my props, then I pick from the bulbs that I want. Make much fronts, cause anything goes. The jolly green giant, cause I love planting hoes, hoes, hoes. Cause I don't procrastinate or discriminate, nor do I hesitate. And you can tell by the hoe I ain't out. No doubt I've got the clout, and planting these holes is what Vincent is about. On a roll as I stroll, take my toe when I pack a bowl. Like Shaq shit, you know I got soul. We'll play with hoes toes, but I'm not tippy. But I like Skippy, smoke much herb but not a hippie. Just cultivate with the words I generate, then I fertilize. Quand Basdi à 16h40 sur France Culture, agriculture, puisque c'est ce dont il est question, mais d'agriculture dans l'espace. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Christian Mustin, qui est expert thématique au CNES en sciences de l'univers et exploration, spécialité en exobiologie, exoplanète et protection planétaire, et qui est avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse, et Alexis Payet, thématicien de technologie pour l'exploration et chef de projet Spaceship au CNES. Alors du coup, faire pousser des légumes dans l'espace, c'est une chose. Les faire pousser sur la Lune ou sur Mars, c'est encore une autre chose. Peut-être qu'on peut tout de suite, Alexis Payet, couper avec l'idée reçue que certainement beaucoup de nos auditrices ou nos auditeurs auront en tête, celle du film Seul sur Mars, adapté du roman où l'on voit bien un pauvre astronaute oublié sur la planète Mars et qui arrive à faire pousser des patates en mélangeant un peu d'excréments avec du régolithe martien. Ça, c'est de la science-fiction. Alors oui, on va dire que c'est de la science-fiction. Néanmoins, c'est l'objectif, le but ultime de chacun, c'est d'arriver à faire pousser des pommes de terre sur Mars. Mais aujourd'hui, non, ça sera hyper compliqué de faire pousser la pomme de terre sur Mars, étant donné que déjà, il faut la pomme de terre. C'est une plante racinaire, donc il faut qu'elle soit dans la terre. Enfin bref, c'est presque la plus complexe. Tout à l'heure, on parlait avec Paul Hector justement des choux. Donc là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus faisable. Ensuite, quand on est, sur la Lune, il faut imaginer quelque chose. Hein, enfin vous. On n'y a jamais été, ni vous ni moi, mais en fin de compte, vous êtes un astronaute, vous arrivez sur la Lune, il y a de la poudre, il y a du soleil, et avec cette poudre que l'on appelle du régolithe, qui est du basalte, qui est issu des volcans, en fin de compte, il faut arriver à cultiver quelque chose dedans. Donc, on va avoir cette base nécessaire qui sera le régolithe, et après, il faudra ajouter certains apports ou certains ça peut être de la fibre de coco, par exemple, certains supports qui permettront de pouvoir cultiver la plante à l'intérieur de celle-ci. Mmh. Si justement on commence par s'intéresser à la Lune, Christian Mustin, puisque c'est notre horizon le plus proche vraisemblablement, un mot sur l'étude dont je parlais tout à l'heure au tout début de cette émission qui a été publiée le 12 mai et ce succès pour faire pousser alors une plante bien particulière qui est l'Arabidopsis thaliana dans du régolithe lunaire, ça veut dire néanmoins que l'on peut tout de même réussir, alors pour le moment sur Terre, puisque ça a été fait dans 12 grammes de régolithe lunaire récupérés de diverses missions Apollo. Mais en tout cas, on peut réussir tout de même à faire pousser des plantes dans ce substrat qui n'a pourtant pas l'air très, accueillant pour de la végétation. Oui, alors l'étude que vous mentionnez, l'étude scientifique, est quand même un petit peu très pondérée. Les conclusions sont pondérées par rapport à faire pousser des plantes. C'est bien explicitement dit, que effectivement, ce n'est pas un substrat simple et aussi anodin que ça pour les plantes. Et on le voit bien dans cette publication où finalement les plantes ont énormément quand même de difficultés à se développer dans les échantillons lunaires, dans les vrais échantillons lunaires, par rapport à des échantillons qui sont des ce qu'ils appellent des simulants en anglais, donc des analogues terrestres qui ont été fabriqués à partir de basalte terrestre. Et donc, on voit bien que les plantes poussent bien dans le basalte terrestre, alors qu'elles poussent mal dans ce qu'on appelle le régolithe, donc cette couverture superficielle des roches lunaires. Donc, c'est vrai que il y a des différences entre les échantillons. On voit aussi que, apparemment, la provenance, il y a eu des échantillons de différentes missions, Apollo 11, Apollo 12 et Apollo 17, qui ont été testés. Et on voit que ça n'a pas tout à fait le même comportement. Donc, il y a c'est pas un monde. Alexis parlait de ce régolithe. Hein, c'est pas un monde aussi simple et avec beaucoup de variations sans doute et auxquelles les plantes sont sensibles. Donc, si vous implantez, si vous fabriquez une serre lunaire à un endroit avec un matériel à un endroit donné, vous n'obtiendrez peut-être pas les mêmes résultats si vous vous déplacez de quelques kilomètres ou centaines de kilomètres. Donc, ça sera des enjeux comme pour nous sur la Terre où les sols sont pas identiques. Il y a des variations, ce qu'on appelle variations latérales de faciès, c'est-à-dire des changements horizontaux de la qualité des sols. Donc voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça de devenir un agriculteur lunaire ou martien et de transformer. Faut vous dire aussi que l'agriculture c'est le travail du sol. C'est effectivement travailler le sol lunaire et transformer le milieu naturel. Enfin, le milieu naturel qui est le milieu lunaire pour lui donner pour devenir un support de culture et de ressources. Alors justement, Christian Mustin, comment est-ce qu'on peut transformer finalement ce régolithe pour tâcher de le rendre fertile? Comment ont procédé justement ces chercheuses et chercheurs américains pour faire pousser cette arabette des dames qui est une mauvaise herbe, donc on est encore loin de faire pousser des plantes comestibles. Quelles sont les transformations que l'on peut opérer? Comment cela ouvre ou non des objectifs ou des fenêtres sur la possibilité un jour de créer une véritable serre sur la Lune? Oui, alors juste pour compléter ce que vous dites sur Arabidopsis thaliana, c'est une plante modèle en fait qui est très utilisée en laboratoire parce qu'elle est toute petite, elle a un cycle rapide, elle peut se développer. Vous mentionnez, ils ont fait des expériences sur 12 grammes. Alors 12 grammes qui viennent pas du même endroit et ils ont cultivé chacune des plantes dans 900 mg, c'est-à-dire 0,9 grammes dans des tout petits puits de la taille d'un dé à coudre. Donc vous voyez que l'expérience est très réduite. 12 grammes, on leur a donné que 12 grammes. On a quand même ramené de la Lune. Enfin, les Américains ont ramené environ 380 kilos de roches lunaires. On leur a donné 12 grammes pour faire les expériences. Bon, on peut juger que c'est un peu disproportionné ou trop une quantité trop faible. Donc de fait ils ont fait pousser directement les graines. Ils ont semé les graines sur le régolithe. Ils ont bien entendu mis une solution nutritive. Les graines ont germé. Alors ils ont mis plusieurs graines dans chacun des dés à coudre. Ensuite, ils ont enlevé certaines plantes pour ne laisser qu'une seule plantule se développer. Et ensuite, ils ont regardé les plantules se développer en comparant un témoin qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était un milieu basaltique terrestre. Il est vite apparu que le régolithe lunaire avait des agents, un peu anti anti-biologiques, entre guillemets, mm-hmm. et que les plantes étaient stressées, notamment par des effets oxydants, qui sont tout à fait attendus, hein, qui pouvaient être attendus, puisque ce régolithe est exposé au rayonnement solaire, hein, en permanence, et que ça, on sait créer par implantation, effectivement, de ions, bombardements, etc. On crée des radicaux très réactifs, qu'on appelle radicaux oxydants, hein, qui s'apparentent à l'oxygéné, si vous voulez. Et donc, de fait, ça provoque une réaction très, très vive au niveau des plantes qui sont stressées, et puis aussi une salinité, parce que ces matériaux n'ont jamais vu l'eau. Hein. Donc la Lune est anhydre, hein, et oui. n'ont jamais vu l'eau. Donc dès que vous mettez quelque chose qui n'a pas vu l'eau, qui n'a jamais vu l'eau, ça se met à l'équilibre, et vous avez énormément d'éléments qui sont partis en solution, qui ont aussi gêné les plantes, donc beaucoup de sel notamment. Mmh. Hein, donc, vous voyez, si on devait, pour répondre à votre question, si on devait aujourd'hui... faire, à partir du régolithe, vouloir faire pousser des plantes, il faudrait préparer ce régolithe de manière à ce qu'il accepte des plantes, c'est-à-dire le lessiver un petit peu avec de l'eau pour lui donner, comme sur Terre, hein, les roches sont lessivées avec de l'eau pour lui donner un semblant de début de roche, hein, je veux dire terrestre en fait, et sur lesquelles les plantes pourront s'acclimater. Ce qui n'a pas du tout été fait dans l'étude menée. C'est vraiment sur une étude un peu brutale de germination sur un sol qui n'a jamais vu d'eau. Alexis Paillet, peut-être un mot également sur cette étude et sur les conclusions que l'on peut en tirer, parce que cette étude, effectivement, si elle est un peu brutale, comme l'a décrit Christian Mustin, elle est aussi évidemment incomplète, puisque tout cela a été fait bien sur Terre, avec une gravité terrestre et sans toutes les autres contraintes, et qui ne sont pas des moindres, de la vie sur la surface de la Lune, à savoir des journées de 14 heures, des températures très élevées au soleil, très basses lorsque la nuit tombe, l'absence d'atmosphère et donc des bombardements de rayons cosmiques, etc., etc., et j'en passe. En effet, l'étude qui a été menée par l'équipe de la NASA, elle est fondamentale, parce qu'elle a quand même montré, même si c'est de manière brutale, que c'est possible. Mm-hmm. Donc ça nous donne quand même beaucoup d'espoir pour la suite. Après, ça nous montre aussi, justement, comme le soulignait parfaitement Christian, c'est qu'il faut vraiment préparer ce sol, parce que ça va être la clé pour pouvoir cultiver là-haut. Donc ça nous ouvre aussi du coup de nouvelles perspectives. C'est comment lessiver ce sol, quelles sont les technologies qu'on doit mettre en place pour qu'il soit sain et qu'il accepte la plante. Donc ça va faire partie de tous les défis dans les 10 prochaines années pour constituer une future serre sur la Lune. Mmh. Ensuite, là, il y a une étude aussi que l'on a menée, je dirais nous en interne, avec la société. Alors c'était la société Agricool, mais c'était Paul Hector quand même que vous avez entendu précédemment. Mmh. Et donc on a réussi à faire pousser dans du, ce que tout à l'heure appelait Christian un analogue. Donc c'est un simulant qui vient d'Allemagne, qui est un simulant d'un volcan. Et c'est pareil, on a réussi à faire pousser à l'intérieur de celle-ci, mais néanmoins on a mis on a fait plusieurs tests, parce que en fonction de la granulométrie de la poudre, ça se transformait en ciment, ou alors c'était viable pour la plante. Donc il y a aussi il y a la préparation, le lessivage, mais aussi la composition, il y a tout un tas de paramètres qu'il va falloir prendre en compte pour pouvoir cultiver là-haut. Est-ce que le plus simple, finalement, compte tenu de ce degré de complexité pour la Lune, et on va reparler de Mars dans quelques secondes, Christian Mustin, ce n'est pas simplement de créer des fermes hydroponiques comme on fait en impesanteur? Oui, c'est sans doute la première étape, je dirais. Simplement, il faut de l'eau, hein, donc il faut de l'énergie et de l'eau. Ça a été mentionné dans votre reportage. On maîtrise les longueurs d'onde, donc on a maintenant des LED, etc. Donc il y a besoin d'énergie, il y a besoin d'eau, hein, une consommation d'eau qui est importante. Et surtout, je dirais, il va falloir amener les sels minéraux, les facteurs nutritifs pour les plantes, hein, qui ne sont pas dans l'eau. Donc il va falloir fabriquer une eau, dopée en oligo-éléments, hein, comme on peut le faire sur Terre pour faire ce type de culture. L'intérêt du régolithe lunaire, c'est que cette eau qui pourrait être issue du lessivage va apporter des oligo-éléments, simplement pour les redistribuer derrière. Donc vous pourriez aussi utiliser, comme c'est fait sur Terre, hein, donc quand vous cultivez, finalement il y a peu d'eau dans le sol, votre sol n'est pas noyé, hein, c'est un sol qui est souvent relativement aéré et peu saturé en eau, et dans lequel les oligo-éléments sont disponibles pour les plantes. Il y a aussi un aspect qui est important, c'est pas de laisser la plante seule non plus, sur Terre, les plantes vivent au niveau racinaire avec des micro-organismes. Hein, donc, et on sait que ces micro-organismes contribuent énormément à la nutrition des plantes et que c'est un écosystème. L'écosystème racinaire est un point très très important. Donc tout ça, il ne faut pas juste amener une plante dans un environnement stérile, il va falloir lui amener aussi des micro-organismes qui vont être capables de l'aider à se développer comme ça se fait sur Terre tout à fait naturellement. Et pour l'eau, toute base lunaire un peu pérenne est envisagée plutôt au pôle sud lunaire où on sait qu'on peut éventuellement trouver des traces d'eau qui serait exploitée du coup pour de toute façon non seulement faire de l'agriculture mais pour ensuite même permettre à la base de vivre, Alexis Payet. En effet, là, dans le programme Artemis, qui est un peu la ligne de conduite que l'on suit aujourd'hui pour aller explorer la Lune, donc ça va se faire entre plusieurs étapes. La première, elle est plutôt vers 2026 avec l'arrivée de deux astronautes sur le pôle sud, et ensuite commencer à explorer, trouver les zones où il y a ce qu'on appelle des zones d'ombre permanente, où on peut trouver ces fameuses poches de glace. Et ensuite, il y a aussi une autre partie qui est importante, c'est de trouver l'énergie. Oui. Donc pour cela, donc on a ce qu'on appelle des zones d'énergie aussi permanente, pour alors plus ou moins permanente, parce qu'en fonction de où on est placé au niveau du pôle sud, on a forcément un peu de nuit lunaire, oui, de nuit sur la Lune. Par exemple, c'est un peu pour ça aussi qu'on se positionne au niveau du pôle sud, parce que si on se positionnait par exemple au niveau de l'équateur comme les missions Apollo, on a 14 jours où il fait, où il y a du soleil, et 14 jours où il y a la nuit. Alors qu'en se positionnant au niveau de l'équateur, on réduit fortement le taux de nuit pour passer de 14 à 3 jours à peu près. Donc du coup, ça nous permet donc via cette énergie qui est plus ou moins permanente de pouvoir stocker celle-ci dans des batteries pour la réutiliser pour notre future base. Ensuite, il y a la phase d'extraction d'eau. Donc, il faut récupérer cette eau qui est cachée dans les cratères. Donc, là, il y a un cratère que l'on vise pour cette future mission. C'est le cratère Shackleton qui est positionné presque vraiment pile poil au pôle sud. On récupère cette poche. Donc, c'est pas de la glace comme on va la trouver, n'importe où. Ça va être plutôt du régolithe mélangé avec de l'eau qui est très glacée. Et après, il faut pouvoir la sortir et en extraire que l'eau, en extraire aussi donc de ce régolithe des matériaux, en extraire des métaux, enfin en extraire tout un tas de choses pour la purifier. Donc la chaîne finale, c'est d'arriver à faire de la production et faire de l'agriculture sur la Lune. Mais au départ, il faut d'abord avoir la source d'énergie, trouver le bon niveau de purification pour l'eau, arriver à être aussi autonome sur cette future base, donc avec le recyclage, avec la notion de sobriété énergétique. Et en fin de compte, c'est en allant chercher tous les différents acteurs que l'on trouve notamment en France pour travailler là-dessus, ça fait progresser l'innovation, ça fait progresser ces différentes technologies pour que l'on puisse amener ces modules autonomes sur la Lune afin que l'on réduise fortement les cargos de transport Terre-Lune. Aujourd'hui, l'ISS, c'est un mois à peu près pour ravitailler celle-ci en eau, en air et en nourriture. Sur la Lune, on ne pourra pas se permettre ce genre de choses. On sera plutôt sur du 6 mois. Donc il faut vraiment commencer à avoir une base qui soit vraiment autonome, le plus possible. Alors ça, on voit que les obstacles sont encore nombreux pour la Lune. On va terminer dans les quelques minutes qui nous restent par évoquer quelque chose de beaucoup lointain, beaucoup plus lointain, c'est la question de Mars. Christian Mustin, le régolithe martien est beaucoup moins hostile que le régolithe lunaire et pourrait, lui, pour le coup, être relativement accueillant pour une éventuelle agriculture, en tout cas de manière plus simple que pour la Lune. Oui, enfin, je dirais qu'on peut émettre cette hypothèse-là. Il faudra le vérifier avec les retours d'échantillons martiens qui auront lieu en 2033, hein, prévus par la mission de retour d'échantillons martiens américaine et européenne. Donc, on aura une réponse avec des vrais échantillons ramenés sur Terre qu'on pourra étudier en détail, comme ça a été le cas pour les échantillons lunaires avec les missions Apollo. Donc, ça sera une première forme de réponse. Mais on peut penser que oui, parce que Mars a eu de l'eau. hein, pendant un certain un milliard d'années à peu près, a eu de l'eau en surface de Mars, et donc a eu une altération, donc présente des roches qui ont déjà évolué, qu'on a vu déjà depuis l'orbite, on a vu des argiles, on voit des parties avec des oxydes de fer, etc. Donc il y a véritablement déjà eu une altération primaire des roches initiales, ce qui se rapproche de ce qu'on connaît dans certains déserts terrestres, hein, ou éventuellement des cours d'eau ont pu circuler dans le passé, notamment par exemple en Australie. Et donc on se rapproche de milieux terrestres. Alors, avec toujours cet inconvénient qu'il y a toujours sur Mars, comme sur la Lune, des radicaux oxydants, parce que Mars n'a pas une atmosphère très, très dense, n'a pas de ceinture magnétique, et donc, de fait, il y a des espèces radicalaires qui sont formées. Il y a ce fameux régolithe, hein, en surface, avec des parties très altérées, qui poseraient problème si on faisait effectivement cette culture, comme j'ai qualifié. Alors, c'est pas une volonté de réduire la portée de la publication, hein, qui, comme l'a dit Axelie, est tout à fait pionnière. Est très intéressante, c'est vraiment que ça va être brutal, et si on fait ça brutalement, il va falloir préparer ce régolithe-là aussi, qui aura sans doute les mêmes effets négatifs en termes de stress oxydant généré au niveau des plantes, puis aussi avec un élément qu'on a découvert depuis les missions, depuis les rovers, l'exploration lancée par les rovers américains Curiosity et maintenant Perseverance, de présence de perchlorate à la surface de Mars. Le perchlorate étant un agent particulièrement utilisé par nos grands-parents comme désherbant. C'est ça, donc c'est pas très très voilà. Voilà, donc il faudra faire très attention à la manipulation de ces sols martiens. Mais il y a des endroits où on peut effectivement trouver des sols plus intéressants avec des qualités se rapprochant déjà de roches terrestres. Voilà, on arrive déjà malheureusement au terme de cette émission, mais on comprend bien qu'il y a encore un certain nombre de pas et de progrès à faire pour pouvoir implanter des serres et des fermes sur notre satellite et éventuellement à plus longue échéance encore sur Mars. Merci en tout cas beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler d'agriculture spatiale. Merci Alexis Payet, merci Christian Mustin, merci également à nos collègues et camarades de France Bleu Occitanie à Toulouse pour le duplex. La méthode scientifique, c'est Amel Boucherquin, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Alexandra Delbo, Noémie Leguet, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Hélène Trigueros à la réalisation, Alexis Thomasin qu'est-ce que c'est que cette histoire ? À la technique aujourd'hui, comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, est une maladie qui touche les homosexuels. Mécanique des épidémies, collection de podcasts originaux de France Culture. Il apparaît au printemps 81 en Amérique du Nord. En 82, la maladie est désignée le sida. L'émergence d'une nouvelle pandémie, sa véritable origine, sa diffusion planétaire, les leçons que l'on peut en tirer. Mécanique des épidémies, saison 2, le sida, par Renaud Piaroux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.